savons que l'indépendance politique ne résout pas automatiquement tous nos problèmes, mais elle nous permet de les poser nous-mêmes, d'y apporter nous-mêmes les solutions appropriées. Nous savons également qu'il nous faudra, pour notre développement économique, social et culturel, des concours extérieurs, de France et peut-être d'ailleurs. Dans la conception malienne des relations avec la France, dans une communauté renouvelée, dans une zone franche conçue comme une zone de solidarité et de développement, le Mali apportera sa contribution. La France, nous en sommes convaincus, ne faillira pas à sa mission. La communauté est renouvelée. Sa force, elle ne l'appuisera pas dans la valeur juridique des textes, mais dans la volonté commune de rester ensemble, unis, solidaires, avec la diversité et le respect de nos souverainetés. Le Mali sera fidèle à ses engagements vis-à-vis de la France, vis-à-vis de la communauté de l'Afrique, mais il entend aussi apporter dans ce monde tourmenté sa modeste contribution à la grande croisade pour la paix. Vive la France, vive la Fédération du Mali, vive la communauté des peuples libres. Et 6 jours plus tard, le président de la République malgache, Philibert Tsirane.